Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, l'émission où nous parlons radio durant trois quarts d'heure à travers les carrières de ceux et celles qui la font au quotidien. Et les habitués de cette émission ne me contrediront pas si je dis que l'histoire de la radio est passionnante et pleine de surprises. Par exemple, mon invité du jour, à l'époque où j'écoutais certains de ses flash infos sur une certaine radio rock parisienne, c'était mes années lycée, hein, à l'époque je ne me disais pas que 10-15 ans plus tard il serait à la tête du prime time d'une grande radio généraliste. Mon invité est habitué chaque matin sur Europe 1, ça rime, à raconter un monde qui change. Aujourd'hui, dans ce studio, il est venu nous raconter sa radio. Mon invité se nomme Mathieu Béliard. Bienvenue à vous. Bonjour Eddy, bonjour à toutes et à tous. Alors, déjà, quand je vous écoute, contrairement à ce que Nicolas Cantelou fait dans votre imitation, je trouve que vous ne roulez pas tant que ça l'air. Hein. Non, je ne sais pas où il a attrapé ça, Nicolas, mais j'ai une façon de pas de rouler les R comme quelqu'un du Sud, mais de prononcer absolument toutes les lettres d'un mot. Et je pense que c'est ça qu'il a attrapé au vol, qui me donne cet air de rouler les R de repin. Il lâche pas avec ça. Non, quand il tient un truc, Nicolas, il lâche pas. Alors Mathieu Béliard, on commence par le commencement. Vous êtes aujourd'hui au micro d'une radio associative. Je voulais savoir, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Oui, de très bons souvenirs d'ailleurs. Et merci d'ailleurs de m'avoir, je le dis hein, pour nos auditeurs, j'ai eu droit à une petite visite guidée de Fréquence Protestante. C'est ma première fois ici. Et oui, moi je retrouve les fondamentaux de la radio, ce que je dis à chaque fois, une table, un micro, un téléphone et on fait de la radio. Et alors du coup, vos premières expériences au micro ? Premières expériences au micro. Déjà, est-ce que vous avez pratiqué de la radio associative ? Non. Moi, je suis arrivé. J'ai pas le parcours du fan de radio qui en faisait à 13 ans dans sa chambre. Si, je crois que cela dit, quand je devais avoir 12-13 ans, j'avais participé à une colonie de vacances où on avait fabriqué un poste un émetteur, un petit émetteur, ce qui est parfaitement illégal avec de la bobine de cuivre et tout ça. Non, c'est la première fois au micro, vraiment, ça doit être à Beurre FM. Ça doit être à Beurre FM lors d'un de mes premiers stages. J'ai travaillé pas mal à Beurre FM et puis l'avantage des radios associatives ou des plus petites radios, et je le dis vraiment sans être dans un truc péjoratif, c'est que quand on est jeune, on peut tenter sa chance, on peut faire un peu de micro, faire un peu de réalisation, faire de l'accueil, du standard, et que au moins quand on connaît tous ces métiers-là, après on est un peu plus armé pour les grosses radios. Alors vous parlez d'un stage, le stage c'était dans le cadre de vos études. Oui, j'ai fait une école de journalisme qui s'appelle l'ISCPA juste après le bac. D'accord. Alors, comment vous êtes venu justement au métier de journaliste, à ces études de journalisme ? Alors c'est marrant, j'ai un de mes enfants qui m'a demandé comment t'as... Et j'ai répondu Tintin. Je pense que c'est le plus lointain souvenir de journaliste que j'ai, Tintin, et j'aime bien le dire en souriant, les aventures de Lois et Clark quand même. Moi j'étais plus impressionné par Clark Kent que par Superman. Et blague à part, je suis quelqu'un d'assez bavard, d'assez curieux, et je suis arrivé très naturellement vers ce métier-là, où on doit transmettre finalement des choses aux gens en racontant. Et on sent que chaque matin déjà à Europe 1, même auparavant, vous avez toujours cette envie de partager des choses, des sujets, même par votre podcast que vous faites également, les éclaireurs, on en parlera peut-être tout à l'heure si on aura un peu de temps. Mais moi, ce que je voulais savoir aussi, le journalisme, le média radio même, les deux réunis, qu'est-ce qui vous a séduit mais c'est une super question, parce que vous avez dit les deux réunis. On peut faire de la radio, on peut faire du journalisme, et on a de la chance, on peut faire les deux en même temps. Mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que la radio, c'est quand même aussi un autre métier. C'est parler à des gens, c'est les accompagner, c'est les réveiller. Et je parle pour moi qui suis au micro, mais on va saluer. C'est Arnaud, c'est ça, Arnaud, ouais. En régie, la réalisation. Moi, j'ai toujours une pensée pour les standardistes parce que c'est le premier contact bien souvent entre l'auditeur et sa radio. Donc voilà, il y a plein de métiers, il y a plein de façons de faire de la radio. Ensuite, le journalisme, on peut le faire à l'écrit, à la télé ou à la radio aussi. Et il se trouve que j'ai pu comme ça assembler mes deux passions. Et alors, du coup, donc vous parlez de Beurre FM. Oui. Votre premier stage. Ouais, c'est ma première fois au micro, parce que j'ai eu la chance de faire un petit tour du côté d'RFI avant ça et du côté de France Info, mais sans faire de micro. D'accord. En faisant des petits sons, participant à la fabrication d'émissions. Donc déjà, vous voyez un peu l'envers du décor à ce moment-là. Et alors du coup, Beurre FM, là, vous faites votre tout premier... J'y arrive, hein, votre tout premier micro. Oui, des flashs d'abord, des petits reportages. Bon voilà, encore on peut tout faire. Et puis la deuxième fois, je suis allé pour un deuxième stage après parce que quand j'ai vu qu'on pouvait avoir sa chance là-bas, je me suis dit bah vas-y et bosse. Et je me souviens, je leur avais proposé, ils avaient pas d'infos le matin pendant l'été et juillet-août, je faisais les journaux, la revue de presse, je faisais ce que je voulais en fait. Ils étaient toujours partants. Bah oui, si tu veux le faire, vas-y, fais-le. Des interviews et tout ça. Et donc ça m'a vraiment rodé juste avant d'arriver à Oui FM ensuite. Alors justement, Oui FM, comment vous y êtes arrivé ? Ah, j'y suis arrivé en envoyant des CV et des lettres de motivation en fin de première année d'école, refusé en fin de deuxième année d'école, refusé en fin de troisième année, accepté par Sébastien Guyot d'ailleurs, qui est un collègue aujourd'hui à Europe 1 et que je salue. Et j'y suis arrivé en stage tout simplement à la rédaction, à faire des petits sons d'abord pour ce qu'on appelait, je sais pas si ça existe encore, le Journal de Paris, qui était des petits sons culture, expos, concerts, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai pris ma place, si j'ose dire, sur des choses qui quittaient complètement le journalisme, des émissions de Déconne, de Libre Antenne, le soir, où on a franchement bien rigolé pendant quelques années. Mais je m'en souviens aussi, parce que je mangeais du Oui FM à l'adolescence. Et ouais, je me souviens de... Alors, je sais pas si on peut le dire, des conneries que vous faisiez le dans fraisier. Certaines émissions. Voilà, avec Daniel Morin. C'est Daniel Morin qui est sur France Inter aujourd'hui et à qui je dois beaucoup, mine de rien. Parce que là, j'étais en train de fabriquer une émission pour l'été, comme ça, avec Vincent Thévenet et Daniel Morin. Et je me suis retrouvé dans un coin, stagiaire, à leur dire, vous avez besoin d'un coup de main, je peux faire quelque chose pour vous. Et je me suis retrouvé à faire du standard pour l'émission. Et Daniel m'a dit, mais au lieu de ricaner dans un coin, ris dans le micro. C'est comme ça que j'ai commencé à Oui FM. Du coup, ça a été une belle école, puisque du coup, vous appreniez plus que du journalisme. Complètement, complètement. De la radio, la fabrication, la production, fabrication d'un conducteur, les équilibres qui sont pas ceux du journalisme, à savoir quand est-ce qu'on met le disque, quand est-ce qu'on est sur un temps avec un auditeur, quand est-ce qu'on est sur un temps avec un sketch, etc. Fabrication de ces émissions, et de là, je suis arrivé ensuite à la programmation d'invités, ce qui m'a fait revenir dans un circuit un peu plus news. Alors, on va revenir donc sur ces années Oui FM, mais juste avant, je vous propose de nous aérer les oreilles avec notre première pause musicale. Vous savez, dans cette émission, le rituel, c'est l'invité qui fait la playlist de cette émission. Et pour le premier titre, eh ben, ce sera pas du tout du rock. On aurait pu faire la transition. C'est du rap avec Francis et Atlantide. Oui, alors j'ai deux choix musicaux en fait sur l'émission. On m'a demandé de choisir deux chansons, oui, et j'ai choisi deux en fait choses très très différentes qui sont des choses que j'écoute en ce moment. Sincèrement, je suis un gros consommateur de musique, au pluriel, toutes les musiques. Et ça, c'est un copain qui m'a fait découvrir. C'est un rappeur du Havre, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Francis, et je trouve ça sympa. Je suis pas un gros client de rap, mais je trouvais ça sympa en ce moment. Les bons comptes font les bons amis, mais les vrais amis ne font pas les comptes. Y'a que les cons qui ne changent pas et changeraient pas. C'est con, faut un homme pour tuer un homme, un fusil pour tuer un lion. La pomme tombe au pied de l'arbre, encore faut-il attendre la saison. Tout déconnasse, c'est ce que je dis quand je perds la raison. Je suis vraiment con, voilà la réponse à mes bonnes questions. Tout vient à qui sait attendre, comme solution c'est tentant. Après la pluie vient le beau temps, vis ta vie, c'est la mort qui t'attend. La vie est belle, demande à Jun Lin. Peut-être que lui aussi attendu l'autre. Joue, jeu de main, jeu de vilain. Pas de peau, mon jeune ami, allez, on verra demain. Reste le plus bel hymne à la nuit. Une de perdue, une de retrouvée. À tort d'une fille violée, à curer par de tout. Allez, viens t'isoler. Ça commence par à la tienne, ça finit par t'isoler. La vie injuste, à juste prix, demande à Philippe Risoli. Rien ne sert de courir, je suis au courant. Ici ça se bouscule, trop pantin, font du vent. Ils zappent le sens du courant. Tout le monde veut paiera, beaucoup le paieront. Très peu seront payés, seuls les vrais dans leur coin le feront. Jamais bien servi que par soi-même, mieux servi par ceux qu'on aime. Ne regarde pas en bas, mais regarde autour de toi quand même. Tous les chemins mènent à Rome, sauf le mien. On n'est pas tous des révolutionnaires ou des gens moulins. Illégal, résistant, Jean Roulin. Mes anciens sont trop bons pour me traiter de fainéants. Mais je lis dans leurs yeux qu'on a vu que la vie c'était mieux avant. Rien ne se perd, tout se transforme, parle-en aux parents. Qu'ont vu leur fils partir à 20 ans et quelques printemps, l'écrit bien le gamin. C'est ce que j'entends du haut de mes 27 ans, c'est cohérent. La vérité sort de la bouche des enfants, c'est trop marrant. Avec vos expressions toutes faites, faites la fête, pas la guerre. Et l'amour viendra peut-être. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Petit à petit l'oiseau fait son nid, les faibles s'enfuient, les plus forts les mangeront. Le dentiste m'a pas menti, et si les pompiers fumaient autant que moi, y'aurait un tas d'incendies. Tape ta cendre, Francis. J'adore quand c'est Ritou qui me dit, soit on met la cabane sur le chien. Coup de marade et de whisky, croix de bois, croix de fer. On survivra, c'est promis. On est tous le condamné. un autre et ça c'est pas des conneries. Le plus vieux métier du monde reste éducation. Laisse pas traîner ta fille, reculer pour mieux sauter, mais pas le string aux chevilles. Les petites bêtes mangent pas les grosses, mais les bites n'épargnent pas les gosses. Dans nos boîtes en bois, on changerait bien les postes. J'pense pas qu'on ait besoin de nous, j'pense qu'un faux se donne. Quand je vois qu'on crève pour du métal jaune, y'a se ranger, rentrer dans le rang, y'a manger les dents qui courent après le vent, y'a celle qui m'a avalé, celle au couvent. Très peu de nuances dans le prêt-à-penser, proverbes et dictons. Le fast-food cérébral des cons, l'enfant de Babylone ne crée plus une radote. Attends qu'on lui narre une connerie pour qu'il la transmette à d'autres, mais qui a raison? BHL ou Forisson qui écrit l'histoire? C'est les vainqueurs, quelle question, tu ne diras point, point. La lingo bless USA ou quand Jésus est un chien. Y'a croire que c'est à l'envers qu'il lise la Bible. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, et tant pis, les derniers seront les premiers. Faut croire que l'espoir maintient en vie, on a vendu la peau de l'ours. Un type en charrue s'en peut, et peu importe, quand on veut, on peut voir midi devant. S'importe, qu'importe, flacon tant qu'elle ivresse. Clochard sont ta paillasse, passera pas l'hiver. M'adresse à toi qui écoute, mais pas l'hiver, n'es-tu ton prochain? Est-ce que de ta vie t'as les rênes? Loin des yeux, loin du cœur, et si t'inverses les rôles, t'as les nerfs. Une taille de guêpe en 95, c'est trop vert. Si j'arrive à l'esquiver, c'est qu'à que la mort pour nous, c'est pas esquiver le vice, c'est pas rien. Travail de tous les jours, pas de païen, je crois pas en Dieu lui non plus. Comme ça, on est deux, c'est bien, sache que je continue ce texte, tu le trouves lourd ou hideux. Je rappe pour ma poire, et si tu kiffes, tant mieux. J'attends mon heure comme tout le monde, et ça m'épuise même plus. Comme on dit, la roue tourne. Et pour le moment, je vois que c'est le Dubus qui roule bamboule, qui fournit suie au four et au moulin, comme un chilien qui est bleu au fond du puits. Chacun son rôle, sans pas choquer. Soi-disant libre aux égaux, si t'en as sous le chapeau, tout stocké. Moi, le prime, c'est comme Dalton, def. Francisco Police, Atlantide, yeah. Le Havre, 2015. Jarwan. Et le meuf au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et le meuf au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. L'Atlantide de Francis, donc une belle découverte hein, qu'on a validée dans le studio. Arnaud, tu confirmes? Il confirme. Choisi, pas venu les mains vides. Ouais, choisi par Mathieu Béliard, donc mon notre deuxième invité. Choix est moins des... Oui, dire, un peu plus connu. Voilà. Mais vous parlez d'un rap du Havre, justement, ça colle bien avec vous puisque vous êtes aussi normand. Oui, c'est vrai. Alors, je suis plus près de l'Île-de-France que des côtes, malheureusement. Mais bon, il faut bien quand même en matinale. J'ai déjà une heure de route. Je pouvais pas aller plus loin. Mais oui, je suis normand d'adoption. C'est marrant. Il y a un confrère de la Nouvelle République à qui j'ai donné une interview il y a 3 semaines qui me demandait est-ce que maintenant que vous êtes normand depuis 4 ans, vous êtes plus parisien ou provincial. J'ai dit, c'est impossible de répondre, je suis un peu des deux évidemment. Je suis resté supporter du PSG, mais très heureux d'avoir les pieds ancrés dans la ruralité, on va dire. Alors, donc on était à Oui FM, juste ouais. avant cette petite parenthèse hip-hop. Oui FM qui a été donc une belle école, qui a eu une belle rédaction, puisque vous avez dit Sébastien Guyot. Ouais. Dans la liste, il y avait aussi Jean-Mathieu Pernin qui est venu dans ce studio à votre place. C'est vrai. Il y avait eu David Doba, il y a eu Anne Cazobon. Ils sont tous venus ici avant vous? Non, quand même pas. Mais c'est vrai que tous ceux-là, j'étais avec eux en ce moment. Mathieu, vous allez dire Mathieu Baudou? Mathieu Baudou. Ouais, ouais, bien sûr. Ah, c'est marrant, c'est des souvenirs. Alors non, mais moi je suis obligé de citer Vincent Thévenet, qui est aujourd'hui réalisateur à Europe 1 que j'ai rencontré là-bas à l'époque et qui est un très très grand ami. Oui, mais non, j'ai rencontré plein de gens, plein d'amis là. C'est marrant d'avoir la liste alors, comme ça. C'est marrant parce que tous les anciens, même les actuels de WeFM que j'ai reçus dans la mécanique, me disaient toujours que c'était une grande famille qui est restée soudée, même aujourd'hui encore. Moi, c'était c'est particulier. C'était la radio que j'écoutais moi, ado, le matin en allant au collège, au lycée. J'écoutais Oui FM pendant mes études. J'écoutais Oui FM quand j'étais pas sur des tranches d'infos. Et je suis arrivé là-bas et j'ai passé de 20 ans à 24 ans là-bas, de très très belles années. On s'est beaucoup amusé. Moi, j'ai beaucoup appris d'abord professionnellement là-bas, et puis on s'est beaucoup beaucoup amusé. C'était vraiment une très belle époque de radio. Ouais. Alors, puisqu'on est dans le rock, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Hors sujet avec la radio, puisqu'il y a Mathieu le journaliste, mais il y a aussi Mathieu en parallèle dans une autre vie, dans la musique. C'était il y a 10 ans, un peu plus, vous jouiez dans un groupe qui s'appelait Dynamo Code, ça ressemblait à ça. Et chaque fois, les feuilles mentent, te rappelle à mon souvenir, jour après jour. Les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Donc ça, c'est la chanson de Prévert, une petite reprise de Gainsbourg. Ça tombe à pic avec l'actualité. Ouais, j'ai pensé récemment, c'est drôle. Ouais. 30 ans de disparition. Et alors, cette version, c'est pas la version qui est sur les plateformes de streaming. C'était en live acoustique sur dans le studio d'une web radio qui s'appelait Click and Rock. Et je vais dire la vérité, je suis arrivé dans les locaux de Fréquence Protestante et je voyais, on est masqué, quand on se rencontre, je dis bonjour machin, je prends un café parce que j'étais très bien reçu ici. Je me dis mais on s'est déjà vu quelque part, c'est pas possible. Je suis assez physionomiste. Et en fait, c'était. C'est vous qui nous aviez reçus avec Dynamo Code à Click and Rock à l'époque. Et je vois la vidéo en noir et blanc, parce que j'ai montré ça à mes enfants quand je leur dis papa était un rocker avant. Voilà. Je... Chris, Vince, Fred, si vous écoutez, c'est là. Elle est pour vous. Je vous salue. Et le Vince, c'est le fameux Vincent Thévenet, WFM et Europe 1 qui était à la guitare de Dynamo Code aussi. Alors du coup, décidément, je dois le dire, hein, s'il nous écoute, t'auras pas souvent des hommages comme ça, Vince. Mais alors du coup, cette carrière qui s'est arrêtée, puisque bon, du coup, le métier du journaliste a pris le dessus, c'est quelque chose que vous pourriez reprendre un jour, la musique ? J'ai racheté une guitare au mois de avril-mai dernier, sortie de confinement, en fait. Et j'avais pas joué de guitare depuis des années, donc ça fait un peu mal aux doigts. Ça me manque de jouer, mais c'était quand même très chronophage. Et aujourd'hui, je vois pas où je pourrais caler des répètes d'un groupe de rock entre les enfants, le boulot et d'autres activités. Donc on lance un concept à Europe 1, s'il nous écoute. Mathieu Bégard chante l'actualité en direct. Ah, pourquoi pas. Ou alors il me faudrait un studio de répète dans les locaux d'Europe 1. Le message est lancé. Donc, retour à WFM. Donc, comment l'aventure s'est terminée là-bas ? Elle s'est terminée parce que je sentais que j'étais au bout, j'avais envie d'aller voir autre chose. Il y a plusieurs choses. J'avais envie de revenir sur l'info. Parce qu'on s'est bien marré pendant 3 ans avec des émissions où on rigolait avec des gamins au téléphone le soir. C'était vraiment une très belle époque et j'avais envie de revenir à l'info et j'y arrivais pas. Parce que quand on a une étiquette d'animateur ou de clown de rigolo, j'avais beau avoir fait du journalisme, en être diplômé, j'y arrivais pas. Et puis quand on a un boulot, on a du mal à en chercher un autre. Et comme j'étais pas lié par un CDI à WFM, on rentre pas dans les détails, je suis parti. Je suis parti en me disant, mets-toi en danger, cherche du boulot. Et c'est comme ça que je suis arrivé à RMC après. Et donc, du coup, changement de cours. Donc, RMC, grande radio généraliste, radio talk aussi. Oui. Donc, du coup, je vois que vous avez fait la pré-matinale, mais c'était pas tout de suite. Non, c'était pas tout de suite. En fait, je suis arrivé par... je regardais sur le site d'RMC. J'avais très envie de travailler pour... Altice aujourd'hui, mais c'était Next Radio à l'époque, Next Radio TV uniquement. J'avais très envie d'aller travailler là-bas, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que j'étais assez fasciné par ce qu'a réussi Alain Veil en prenant une toute petite radio moribonde et en faisant un vrai poil à gratter qui commençait au moment où je suis arrivé à peser dans le paysage. Et puis une logique de groupe, d'industrie, avec la création de BFM TV, d'autres chaînes, etc. Et j'avais très envie d'aller voir en fait ce qui se passait là-bas, d'aller tout simplement, il se passait quelque chose de nouveau dans le paysage radio et j'avais envie d'y être, donc j'ai envoyé des CV à tous ceux qui pouvaient recevoir des CV là-bas et il y a eu un poste de coordinateur du standard, ça s'appelle comme ça, qui était ouvert. Et j'ai été reçu pour ce poste-là. Mon expérience de standard à WFM m'a servi et donc je faisais le standard, enfin je dirigeais l'équipe du standard de Jean-Jacques Bourdin. Et on sait l'importance des auditeurs dans l'émission à l'époque, aujourd'hui encore. Et donc c'était un poste assez stratégique et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à intégrer la rédaction, à être à l'antenne depuis le standard avec un micro pour commenter un peu les appels qui arrivaient, les choses qui se disaient, la question SMS qu'on posait, etc. Et de fil en aiguille, j'ai progressé là-bas parce qu'on m'a donné ma chance aussi. Faut être très clair. Hein, Jean-Jacques m'a pris sous son aile à l'époque. Je dois beaucoup, mais d'autres gens aussi, à la rédaction, Nicolas Grébert, Franck Lanoux qui dirigeait RMC, et ils nous ont propulsé parce qu'on était deux gamins, il n'y a pas d'autre mot, au petit matin, à la première partie, on va dire, de Jean-Jacques Bourdin de 4h30 à 6h. Et dans cette tranche, il y avait beaucoup d'interactivité aussi, comme chez Jean-Jacques. Ouais. Moi, je me souviens que c'était notre pari de dire c'est la radio des auditeurs et avant 6h, le standard n'est pas ouvert. Ouais, mais ça appelle pas assez tôt. Ça va appeler. Si, ça va appeler et ça a marché. 4h30, on avait des appels, plein d'auditeurs, des éléments d'infos, des éléments de débat et des éléments plus légers. On rigolait bien aussi. C'était vraiment très sympa ces années de 4h30, 6h à RMC. Et on vous entendait aussi ensuite dans l'émission de Jean-Jacques. Oui, j'ai gardé ce côté-là. Quand je suis arrivé à la tête du petit matin, j'ai lâché le standard, mais j'ai gardé ce côté, la voix de l'interactivité. Je lisais les messages d'auditeurs, la question SMS, les questions qu'on posait en ligne, les messages, 3216, bon, j'ai pu oublier ce numéro, et les mails qui arrivaient, etc., etc. Et je faisais état de tout ça auprès de Jean-Jacques pendant l'émission. Donc l'aventure à RMC avait duré 10 ans, presque. Trois semaines près, j'avais 10 ans de boîte. Mais avant de partir d'RMC, en 2018, vous aviez assuré aussi l'intérim en remplaçant Bourdin dans sa tranche durant l'été. Mais c'est mes deux dernières semaines à RMC. Ouais. Alors, je voudrais juste écouter un petit extrait de son intervention quand il est venu vous saluer avant votre départ. Écoutons cet extrait. Mais non, mais j'ai tant de bons souvenirs avec toi, Mathieu, avec, encore une fois, non seulement ta bonne humeur, ton sourire, mais ton professionnalisme aussi, et tous les sujets, parce que vous évoquiez tout à l'heure un sujet léger, mais on a aussi évoqué, travaillé sur des sujets beaucoup plus sérieux, et à chaque fois, tu savais faire la différence entre ce qui est léger, ce qui est un peu anecdotique et ce qui est une information lourde, ce qu'on appelle lourde. J'ai un peu sérieuse. Plus ouais. Vu ces deux dernières semaines à votre place que savoir passer du coq à l'âne parfois et que c'est un exercice intellectuel assez éprouvant. Ça, c'est pas évident. Alors, quand j'entends cette phrase que vous dites, passer du coq à l'âne, du coup, je me dis que c'était presque une autre nouvelle formation pour vous. De présenter à la place de Jean. Ouais, bien sûr. C'est marrant parce que j'étais très ému sur cet extrait-là. C'était vraiment mes dernières minutes à RMC. La formation, elle s'est faite en continu. J'ai passé 10 ans à côté d'un mec qui a quand même changé le paysage radio français. Faut pas le dire autrement. Et dans un groupe qui a changé le paysage média. Et j'étais très fier pour ces deux dernières semaines dans la boîte d'être dans ce siège-là. Et en plus, l'heure 9h-10h s'arrêtait là. Jean-Jacques a commencé à faire 6-9 à partir de la rentrée suivante. Et donc, c'était l'heure des auditeurs, 9h-10h. Je terminais ça. Il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup de... Ouais, très heureux d'entendre ce que disait Jean-Jacques, parce qu'on a quand même aussi... Je dis toujours, on a bien rigolé. C'est important. C'est très important pour moi d'avoir une bonne ambiance de travail. Mais je suis arrivé 2 semaines avant la crise des subprimes à RMC. On a traversé des choses, les attentats, évidemment. Ouais, il y a quand même eu 10 ans de formation accélérée, continue et puissante. Mais il y a un mot qui revient souvent quand on met Bourdin en lien avec vous, c'est le mentor et l'élève, quasiment. Moi, je sais complètement assumer. J'ai plusieurs mentors dans ma vie, mais c'est évident que Jean-Jacques est en haut de la pile. Encore une fois, en 10 ans à côté, à observer, à imiter parfois. Moi, j'avais mon émission, on demandait des retours sur ce qu'on faisait dans le 436 avant. Lui, il nous consultait beaucoup. C'est quelqu'un de très, très ouvert, qui nous demandait, voilà, sur quoi est-ce que ça appelle ce matin, qu'est-ce qui a marché chez vous, etc. Oui, alors c'est le maître et l'élève, et je l'assume complètement. Et je pense que du coup, il a ressenti une certaine fierté quand il a su que Europe 1 venait vous chercher pour prendre les rênes d'une de ces tranches infos. Et certainement, ça, il faudrait lui demander. Il m'a surtout prodigué de bons conseils pour continuer. Et puis en plus, je partais pas en concurrence frontale. Hein. Quand je suis parti pour faire le soir. Oui, le 17-20. C'est un an après que c'est rigolo. Ça, c'était pas prévu, ça s'est fait comme ça. Où je me suis retrouvé au matin en face de lui pour sa dernière année. Là aussi, pas peu fier d'avoir pu batailler pour le principe avec le mentor. Alors, quand vous arriviez à Europe 1, donc à la rentrée 2018, donc on vous confie au 17-20. Oui. Et quand vous... 18-20 d'abord, puis 17-20 dans la foulée, avec une carte blanche totale. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement. Est-ce que vous aviez une carte blanche totale sur ce contenu? Sur le contenu des 3 heures, total. Total. Et c'était assez magique. C'était assez magique parce qu'on s'est permis des trucs, quand j'y repense aujourd'hui, assez impensable, de complètement déstructurer l'émission. Il n'y a plus de journal de 18h, par exemple, ce qui est quand même un truc, quand j'y repense aujourd'hui. Et il était éclaté sur l'heure entière. On faisait rentrer, sortir les gens de la rédaction, des auditeurs, etc. C'était assez amusant de prendre une page blanche, en fait, et d'écrire l'émission de radio, la tranche info du soir que j'avais envie de faire. Ça a été très formateur aussi, parce que c'est... Là, on passe dans une autre dimension, quand on porte une tranche comme le 18-20 d'Europe 1. D'un seul coup, là, c'est la cour des grands. Là, il n'y a plus de blagues. En face, c'est Fogiel. C'est pas l'intimité, on va dire, du petit matin. C'est Fogiel à l'époque sur RTL. Oui. Fabienne Sartès sur Inter, etc. J'avais une carte blanche totale et on s'en est pas privé. pour tout vous dire. Et je le regrette absolument pas, parce que je pense que c'est aussi ce qui a fait que je me trouve aujourd'hui à la matinale d'Europe 1. Et je me souviens qu'il y avait des 17-20 qui étaient en public aussi, dans le grand studio. Ah, c'est l'ancien monde. C'est l'ancien monde. Ah, c'est, ouais, on a fait des délocalisations, on était en extérieur, là aussi en public, sur la période des gilets jaunes, tout ça, c'est voilà. On est sur la période des gilets jaunes et tout ça aussi, c'est assez excitant à travailler quand on est journaliste. Et puis des émissions en public, à faire participer les gens du public avec des ministres dans le très grand studio Pierre Bellemare qu'on a à Europe 1. Ouais, c'était une vraie année enrichissante. Et cette première année aussi, on vous retrouvait à la télévision avec Laurence Ferrari aux commandes des deux débats politiques. C'était pour les élections européennes. C'était sur Europe 1 et aussi sur CNews. Alors, c'est pas votre première expérience puisque, en fait, il y avait RMC aussi juste avant qui était filmé. Mais du coup, faire de l'info à la télé. Alors, là, c'était encore un exercice différent. C'est-à-dire que on était sur un exercice de débat. Certes, j'avais l'expérience de la télé qui était celle d'RMC, BFM TV. Là, c'était autre chose. En fait, ce qu'on sait pas, allez taper justement débat européen, Europe 1, CNews. Vous allez voir le studio et chercher à le reconnaître. C'est le studio du Canal Football Club. c'est le même studio absolument gigantesque, des caméras partout, de la hauteur sur plafond, vous imaginez pas. Là, on était dans de la vraie grosse télé. Et vous vous retrouvez avec des décors qui sont faits pour l'occasion. Vous vous retrouvez, allez, honnêtement, parfaitement inconnu, à part de mes proches et de quelques auditeurs d'Europe 1, assis à côté de Laurence Ferrari, avec Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, tous les dirigeants politiques de ce moment-là, de ce temps-là. C'était assez impressionnant, je dois le dire, assez enrichissant aussi. Ensuite, l'info à la télé, pour répondre à votre question, c'est autre chose. Pourquoi pas ? Moi, je suis un vrai, vrai mordu de radio et je ne me vois pas ne pas faire de radio. Mais pourquoi pas ? Dans l'absolu, la vie est encore longue, je suis assez jeune. On va continuer à parler des années européennes, enfin, les années actuelles même. On est trop dans l'histoire dans cette émission, c'est pour ça. Dans la troisième année, je suis en troisième année d'Europe 1. Voilà. On va faire notre deuxième pause musicale. Alors cette fois-ci, hein, comme vous l'avez dit, hein, on change de catégorie, cette fois dans le classic rock avec les Beatles. Girl, love you all the time. c'était 8 Days a Week des Beatles, deuxième choix de Mathieu Béliard qui est avec nous dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. C'est pas du rap normand cette fois. C'est du rock. Vous connaissez les Beatles ? Ça va marcher. Je vous le garantis, ça va marcher. Ouais, on verra. En tout cas, Mathieu Béliard, lui, nous raconte pas de musique, mais nous raconte le monde changé tous les matins sur Europe 1. Et alors, on en parlait hors antenne, mais c'est vrai que j'y pensais à ça aussi. Il y a des groupes de rock qui jouent dans leur garage à leur début. Mathieu Béliard, lui, pendant le confinement, faisait de la radio dans son garage. Ça, ça restera une expérience. Mais enfin, je pense qu'on a tous à notre niveau, chacun dans son quotidien, dans ses habitudes, vécu un truc extraordinaire. Moi, je me suis retrouvé dans mon garage à présenter la matinale d'Europe 1. En plus, c'était pas... c'est quand même quelque chose, quoi, d'être en train de présenter la matinale d'Europe 1 dans un garage au fin fond de l'heure. Et en même temps, c'était un retour aux fondamentaux. C'est ce que je répète sans arrêt. Hein, une table, un micro, un téléphone. Je me retrouvais à faire de la radio avec mes poules, pas très loin, avec les enfants à qui, chut, quand il y en a une qui se réveillait avant la fin de la matinale, à poser une question à Jean-Yves Le Drian avec le petit dernier sur les genoux. Enfin bref, ça c'était quand même assez... Enfin, ça m'a fait penser... Il faut garder de la mesure. Mais ça m'a fait penser aux radios libres, en fait. Ça m'a fait penser à ce qui devait être bricolé un petit peu dans des garages, dans des greniers. Et puis en même temps, de vivre au plus près de ce que vivaient les Français à ce moment-là aussi, en étant confinés. Ouais. C'est ça qui fait vraiment la magie de la radio. C'est ça qui rend ce média fascinant, justement. C'est la simplicité. C'est une grande simplicité. Ouais. C'est quand même un truc, je veux dire, vous sortez pas une télé comme ça, quoi. Et d'ailleurs, on l'a vu au tout début du confinement, c'était très compliqué pour les émissions de télé, de direct, encore pire pour celles qui sont produites avec du public, etc., d'assurer une continuité du programme. La radio, nous, on s'est déployé, je me souviens très bien d'un lundi matin, le 16 mars, donc il y a presque un an pile, le 16 mars, on réfléchit, on sait que le soir, il y aura des annonces, etc., on sait pas lesquelles, et on anticipe tout simplement la possibilité de se délocaliser. Bon, à ce moment-là, on se dit les frontières des départements vont être fermées, on sait pas du tout. Et en fait, le lendemain matin, je suis en direct avant le confinement. Emmanuel Macron annonce le confinement le mardi à midi. Moi, le matin même, je suis déjà en train de faire la matinale dans le studio d'Europe 1. La capacité de déploiement d'Europe 1 a été extraordinaire sur cette période-là. Alors, la matinale d'Europe 1, justement, on y revient. Moi, j'avais entendu dans une autre interview que la matinale, vous vouliez lui redonner ses fondamentaux qui étaient l'info et le son. Oui. Vous tiquez, c'est pas le cas. Si, justement, non. Mais juste nous expliquer. La première motivation d'écoute d'une radio généraliste le matin, c'est l'information. On a peut-être un temps pensé que l'info c'était secondaire et que tout ça se passait aujourd'hui sur les réseaux et les smartphones. En réalité, on a voulu renforcer, densifier les journaux. Et c'est un travail qui est encore en cours. Hein, ça fait un an et demi, mais c'est une perpétuelle remise en question. Notre traitement de l'info, notre capacité à nous différencier, à pas forcément avoir la même une que tout le monde, à proposer des choses un petit peu différentes. Puis ensuite, le son, bah parce que c'est la radio, et si c'est notre force. Et d'ailleurs, on est, j'ai peur de dire une bêtise, mais aujourd'hui, beaucoup de radios sont couplées radio-télé. Nous, Europe 1, on est une radio pure, dans des studios de radio pure, et il faut qu'on joue ça absolument, le son. Et donc derrière le carillon, juste avant le journal, on attaque par du son. On met les sons en avant, tant que possible. J'aime bien parler de radio en 3D, quoi, d'avoir vraiment cette impression, si vous écoutez au casque, vous êtes dans un univers, vous êtes dans le reportage, et pour moi c'est vraiment les fondamentaux de ce que doit être une matinale généraliste, avec la bonne humeur et avec les rendez-vous évidemment qu'on attend, que sont la météo, le sport, etc. Alors, vous disiez que vous êtes un gros consommateur de radio. Est-ce que dans ce que vous écoutez il y a aussi des choses qui peuvent vous inspirer pour votre matinale, dans la forme ou dans le fond? Alors, il y a deux questions. Sur le fond, évidemment, parce que j'ai mon retour qui dure une heure de trajet sur lequel j'essaie d'écouter toutes les interviews de la concurrence, les chroniques, les éditos. J'ai une écoute radio grosse consommation, en fait. J'écoute en accéléré, même pas. Ça fait beaucoup rire mes enfants, c'est quand vous entendez les gens de radio parler à toute vitesse. Donc oui, évidemment, on surveille ce qui se passe ailleurs pour copier les bonnes idées et ne pas copier les mauvaises. Mais sur la forme, j'écoute aussi pas mal de podcasts. Je dois être à 3-4 heures de contenu, de programme écouté par jour entre mes deux heures de route et ce que j'écoute à la maison ou en faisant d'autres choses. Ouais. Alors, on parle de podcast, là ça peut être intéressant d'en parler aussi puisque vous en faites un pour Europe 1 Studio, c'est Les Éclaireurs. C'est un grand entretien en tête-à-tête où vous nous présentez des personnes qui changent le monde et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est un projet qui vous tenait à cœur, comment c'est venu ? Et ça, c'est venu de l'envie tout simplement d'approfondir, de prendre le temps, on va dire, et le podcast permet ça parce que sur une matinale radio, évidemment, on est serré entre les différents rendez-vous, les horaires, les contraintes horaires assez évidentes qu'on retrouve sur toutes les matinales. Radio et télé d'ailleurs, et c'était l'envie d'approfondir certains sujets, de prendre le temps de raconter le monde qui change. Donc c'est une série d'entretiens qu'on a enregistré à l'automne, qu'on trouve, qui s'appelle Les Éclaireurs, et vous allez trouver de tout, de la réforme de la justice à l'écologie, à l'égalité homme-femme, à la situation des Noirs aux États-Unis, etc., etc., avec à chaque fois la possibilité de... Moi, c'est des entretiens qui sont montés et au final qui durent 20-25 minutes sur le produit podcast, mais c'est des entretiens qui pouvaient dépasser l'heure et demie d'enregistrement. Alors comment ça se fait ? Au fond des choses et des bouquins que sortaient les spécialistes qu'on recevait. Oui, c'est ce que j'allais dire, une vingtaine de minutes, mais alors du coup, comment ça se fait que, vu qu'on est sur un format podcast et où on n'a pas la contrainte de durée par rapport au linéaire, comment ça se fait que ça a été justement pas diffusé en intégralité ? En intégralité, parce que tout n'est pas intéressant. tout simplement. Et puis parce que, parce que souvent, moi j'aime bien, je suis... Pour moi, la radio, ça se fait en direct. Pour moi, la radio, ça se fait sur les ondes comme on fait là. Maintenant, le podcast, c'est aussi un autre univers. Et ça donne cette possibilité-là. Et quand on enregistre, moi, j'aime bien tourner autour. C'est-à-dire que si j'ai pas la réponse à ma question, je vais insister, mais de manière courtoise. On est sur un podcast, on a le temps, on était là pour bavarder d'un sujet. Et donc, ça m'arrivait beaucoup de reposer la même question, de tourner autour, etc. Et donc, après, on resserre tout ça parce que on risquerait de perdre l'auditeur au bout de la 8e répétition. La mécanique des ondes. On va y arriver. Ah bah c'est parce que le virgule est arrivé trop tard, c'est pour ça. C'est direct. Mathieu Béliard, donc, que vous pouvez écouter tous les matins entre 7h et 9h sur Europe 1, écouter Le Monde Changer. Vous mettez bien en valeur le slogan de la radio à chaque fois. Oui, c'est une phrase que j'aime bien en tout cas. On s'est posé, c'est marrant parce que c'est venu de la réflexion quand on a fabriqué cette matinale avant qu'elle soit à l'antenne. Qu'est-ce qu'on raconte le matin? Qu'est-ce qu'on explique aux gens? Alors voilà, il y a des changements à la société qui sont importants. Il s'est passé beaucoup de choses sur l'écologie, notamment l'alimentation, la santé, etc. On est avant Covid. Hein. Et moi, mon postulat, c'est une vision assez ouverte du changement, accueillante. Je dis pas que tous les changements sont bons et qu'il faut les endosser tous, mais c'était de dire à l'auditeur, voilà. Le monde change, c'est pas grave. Avec nous, vous allez le comprendre, on va l'analyser, vous aurez de quoi vous faire une opinion. C'était quelque chose d'assez positif dans l'idée. Ensuite, nous, on est là pour raconter les évolutions de la société. Je trouve que ce slogan, il dit bien ce qu'on fait le matin sur Europe. Ça définit bien, en tout cas, un média d'actualité. On va passer à notre partie questions avant de nous quitter, Mathieu Béliard. On va commencer avec la question capsule qu'on va ouvrir. C'est une capsule temporelle. À l'intérieur, une question laissée par l'invité précédent. Et c'est un voisin de la maison. En plus, c'est Albert Spano, qui vient d'RFM. Bonjour Mathieu. C'est Albert, l'animateur de la radio du 4e étage, qui a les mêmes horaires de chauve-souris que toi et qui probablement fait la même chose que toi, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir dormir un an tous les week-ends. On dort une année, mais on regroupe tout sur le samedi et sur le dimanche. Alors Mathieu, j'avais une petite question qui est très simple. Est-ce que parfois, mais vraiment sérieusement, est-ce que parfois le matin, tu ne te dis pas au moment où le réveil sonne dans une sorte d'épuisement qui bâille, ce matin, j'y vais pas? Ce matin, c'est pas j'y vais pas. Évidemment que c'est pas j'y vais pas. C'est quand même quelque chose. Moi, mon réveil sonne à 1h15 le matin. C'est quand même un truc de temps en temps. Je sais pas. Il y avait un match de foot la veille. Il y avait du monde à la maison. Ça peut être très très douloureux comme réveil. Après la douche, ça va beaucoup mieux. En réalité, quand on arrive en matinale, ce qui est génial, c'est qu'on est dans un esprit presque comme des marins à bord d'un navire, quoi. On est tous dans la même galère. On s'est tous réveillés très tôt. On est tous très fatigués. On est tous pas forcément du matin l'un ou l'autre, etc. Et donc, comme on est un peu tous dans ce truc-là, eh ben au final, ça gomme tout ça. Et là, on trouve la joie d'être en matinale. Et je suis très content, moi, d'être revenu en matinale. Je vais être le seul taré qui, en ayant fait un an de 17-20, était très content de revenir à la matinale parce que Ben parce que quand vous avez des horaires normaux, vous avez pas de temps dans la journée. Moi, j'ai besoin d'assez peu de sommeil, donc j'arrive à travailler la nuit et à faire des choses la journée. Moi, je suis très très content de vivre ça en décalé à titre personnel. Et puis ensuite, pour l'information, il y a un truc, une saveur particulière que j'avais déjà au petit matin. C'est que vous êtes le premier à parler à l'oreille des gens, vous êtes le premier à leur dire ce qui s'est passé dans la nuit. C'est une saveur inégalable, je pense. Mais je pense que d'autres confrères ne vous contrediront pas non mais plus. Mais c'est déjà arrivé hein, d'y aller en reculant et puis on y alors, va. Alors la panne de réveil, est-ce que c'est arrivé? La panne de réveil, hier. On a un très très bon système de sécurité. Hier, c'est vrai pour le coup. On a un très très bon système de sécurité entre collègues où on s'appelle. On est tous responsables de l'un ou de l'autre. Et puis s'il y a pas de nouvelles au bout de trois fois, ben là on passe en mode harcèlement sur le téléphone. Et jamais à Europe 1 la panne de réveil au point de pas être là. À RMC une fois, j'ai dû arriver à 3h30 au lieu de 2h pour le 436 qui faisait vraiment. Le problème de la matinale, c'est que si vous ratez le réveil, vous le traînez toute la matinée. Quoi. Ça, vous l'avez sur vous. Vous n'avez pas eu le temps de vous doucher comme vous vouliez. Vous n'avez pas eu le temps de prendre votre café comme vous vouliez. Et là, vous êtes dans un truc un peu gris, quoi, toute la matinée. Et c'est très, très dur. Alors, il nous reste à peine 3 minutes. On va terminer avec le questionnaire rapide. Attention, allons-y. On y va. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Ah bah, on a déjà cité Jean-Jacques Bourdin. Moi, j'aime bien revenir à quelqu'un qui est antérieur à ma génération, c'est Yves Mourousi. Quelle radio résumerait votre... Vous vouliez peut-être une personnalité d'aujourd'hui? Yves Mourousi. Ça marche. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Oui, FM. Quelle radio vous réveille le matin? Qui me réveille le matin, mais c'est Europe 1. Non, mais en fait, en réalité, je suis sur des podcasts. Alors, je vais dire toute la vérité. J'écoute les derniers flashs et les dernières tranches d'infos de Info, RTL et Europe 1 en prenant la route. Quelle radio vous endort le soir? Quelle radio m'endort le soir? Ça dépend de où j'en suis de mes écoutes podcast. J'aime bien aussi écouter des trucs rigolos. Je me mets toutes les chroniques d'humoristes des différentes radios à la suite. Et quand j'ai le temps, je me les fais, je les enchaîne. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? La voiture. Un endroit où vous n'écoutez jamais? Très bonne question. J'ai pas, hein. Sincèrement, j'ai pas. Bah, parce que maintenant qu'il y a le podcast, je vous aurais dit dans le parking, ça capte pas, mais maintenant qu'on écoute en podcast. Non, j'écoute vraiment tout le temps la radio et je l'ai tout le temps, mais même vraiment, ça agace mes enfants, quoi. Je l'ai dans la poche avec des gens qui parlent en accéléré. Je suis quasiment tout le temps en train d'écouter la radio. Votre meilleur souvenir de radio? Ah, c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. J'en ai plein et de très très bons, de très très bon. Non, bah, le confinement, le Radio Garage. Radio Garage. ça restera. Non, je pense qu'à la fin de ma carrière, dans de longues décennies, ça restera un truc particulier. Le pire souvenir? Le pire souvenir, bah, y en a plein des émissions où il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui parle, les sons partent pas, l'invité a pas répondu, ce genre de choses. Et en même temps, non, je vous dis le pire, non, parce que dans ces cas-là, on improvise et on s'amuse. J'ai pas de pire souvenir, de très mauvais moments passés à la radio. Et enfin, pour terminer, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? D'être lui-même au maximum. On nous apprend beaucoup trop à parler comme des journalistes, à jouer aux journalistes. La vérité de la radio, je pense, c'est de parler le plus normalement possible. Après, je dirais aussi, faites très attention à la syntaxe, à parler correctement français. Moi, je pense qu'on peut dire absolument ce qu'on veut avec le ton qu'on veut utiliser, mais qu'il faut garder un français non pas châtié, mais correct. C'est le respect qu'on doit à l'auditeur aussi. Et c'est sur ces mots qu'on va clôturer cette mécanique des ondes, Mathieu Béliard. Sur Maître Capello. Parlez bien français, les enfants. C'est très important. Bah oui, c'est très important. On se retrouve, nous, le mois prochain sur Fréquence Protestante pour une nouvelle mécanique des ondes. Merci de m'avoir accueilli. C'était un vrai plaisir de découvrir les locaux de Fréquence Protestante. Et ben, c'est un plaisir réciproque, Mathieu Béliard.